veux prendre le large, mais ça rappe avec les moyens du bord. J'suis un païen qui grogne, prends ce que les doyens me donnent. Rends les coups quand on me les porte. Avance la tête haute sans escorte. Des fois je bombe le torse, souvent tombe de haut. Reste focus sur l'atterrissage. J'ai mer nature et tous ces paysages. Au fond la chute fait partie de l'apprentissage. Chaque jour je lutte, je ne suis qu'un apprentissage. Je me bats pour être un meilleur homme. À mon prochain je tends la main, tandis que la terreur rôde. Ouais j'ai du mal à accepter leurs normes. Y'en a assez, on se divise sous les effets de leurs dogmes. Ouais j'essaye de donner, sans rien attendre en retour. J'apprends la patience, chaque instant vaut le détour. Y'a des hauts et des bas, on vise haut au départ. Y'a trop haut, des carreaux, oh ça fausse les cartes. Et on a fait au mieux, on a fait au mieux. Il fallait que l'on s'en sorte. Oui du mieux que l'on peut, oui, du mieux que l'on peut. Avant que le temps nous emporte. Et on a fait au mieux, on a fait au mieux. Il fallait que l'on s'en sorte. Oui du mieux que l'on peut, oui, du mieux que l'on peut. Avant que le temps nous emporte. La vie c'est pas un jeu, et quoi qu'il se passe, je fais ce que je peux. Je fais pas ce que je veux, ni ce que j'aime, est-ce que je fais mentir, sentir, sans mentir. De la galère, sortirai sans voir les choses s'empirer. Je connais la vida, je suis le taureau dans la corrida. Pour une vie d'or, ça côtoie la mort et son corridor. Quand j'ai senti, n'y a pas de fin dans ce tunnel. La rage s'accentue, tu vois la fin dans les prunelles. Je sais pas ce qui arrivera. J'esquive la BRI, il me faut les sous de Ribéry, écrire des rimes sur la Riviera. On aime le danger pour ressentir le frisson. Mais tu sortiras pas dans deux tours de la case prison. J'ai fait trop de sons qu'on finit dans des disques durs. Des cimetières de morceaux, je rappe tant que la piste dure. À ce qui paraît, ils disent vouloir ses pouvoirs. Et c'est pour voir de les priver de leur pouvoir. Et on a fait au mieux, on a fait au mieux. Il fallait que l'on s'en sorte. Oui du mieux que l'on peut, oui, du mieux que l'on peut. Avant que le temps nous emporte. Et on a fait au mieux, on a fait au mieux. Il fallait que l'on s'en sorte. Oui du mieux que l'on peut, oui, du mieux que l'on peut. Avant que le temps nous emporte. Capitaine d'un navire en pleine tempête. Tiens bon la barre, tiens bon le vent, mal à la tête. L'argent ça va, ça vient, je fais comme l'état, je me surendette. Et je me demande encore comment retrouver ma planète. Papa Warani, maman française. Je suis venu au monde une tape au cul entre deux chaises. Incompris, souvent gêné de pas savoir ce que j'étais. J'enchaînais les couplets, me retrouver dans le DGT. Et j'ai fait au mieux quand je partais au front. J'ai donné le meilleur pratiquement toutes les actions. J'ai connu les problèmes, j'ai appris plein de solutions. J'ai eu beaucoup de réponses mais j'ai encore trop de questions. J'essaie d'être un homme fort et fier. J'ai trop fermé les yeux, il est temps d'ouvrir mes paupières. Une cigale chante les pieds sur la poudrière. Une chanson qui parle de ce qu'elle aurait dû faire hier. Et on a fait au mieux, on a fait au mieux. Il fallait que l'on s'en sorte. Oui du mieux que l'on peut, oui, du mieux que l'on peut. Avant que le temps nous emporte. Et on a fait au mieux, on a fait au mieux. Il fallait que l'on s'en sorte. Oui du mieux que l'on peut, oui, du mieux que l'on peut. Avant que le temps nous emporte.